poursuivi par les ailes du passé. Une histoire écrite par Sinvuk et lue par J0305. Wiwuxian courait. Ses muscles criaient sous l'effort et il avait l'impression que ses poumons étaient sur le point d'exploser. Le seul meuble de la forêt ne suffisait pas à amortir ses pas. Le frottement incessant des semelles lui brûlant la pointe des pieds. De temps à autre, une branche particulièrement aventureuse s'accrochait dans ses plumes, malgré le repli crispé de ses ailes, et lui arrachait une grimace. « Wiwuxian, montre-toi !» Le cri de Jiangshang le poussa à accélérer sa course, le cœur battant. L'adrénaline chantait dans ses veines, lui donnait l'énergie de persévérer dans sa fuite. Qui sait ce que son frère de secte lui ferait s'il l'attrapait? Pour la énième fois de la soirée, Wiwuxian se maudit d'avoir laissé Han Guangjun à l'auberge. Il était juste sorti en douce prendre l'air et peut-être appelé Wen Ning pendant que l'autre dormait. Il était loin de se douter que la secte Yunmeng Jiang organisait une chasse dans les environs ce soir-là, et encore moins que le clan entier changerait de proie juste en l'apercevant. Tout ça était la faute du chien de Jinling, qui avait accompagné les cultivateurs, sans doute sous la demande de son oncle pour gagner en expérience. Wiwuxian serait passé entièrement inaperçu si l'être monstrueux ne s'était pas approché avec sa truffe dégoûtante, le propulsant droit devant Jiangsheng. Un coup de fouet sec lui avait retiré sa flûte des mains avant qu'il ne puisse siffler une note, et Wiwuxian n'avait pu que se glisser parmi les broussailles et compter sur l'obscurité et les silhouettes des arbres pour le camoufler durant sa fuite. Son cœur se serra à l'idée que l'ombre de son existence était suffisante pour raviver le désir de vengeance de Jiangsheng. Wiwuxian était mort il y a plus de 16 ans. L'obsession du chef de la secte Yongmeng Jiang était tenace. Tout en courant, Wiwuxian siffla quelques notes. Siffler n'était pas aussi efficace que Changxing, ou même que sa petite flûte en bambou, mais sur un terrain de chasse comme celui-ci, c'était suffisant pour attirer un ou deux corps. Le principal des avantages des notes fendant l'air était de donner à ses poursuivants une meilleure idée de sa position. Il fit un pas de côté pour esquiver une flèche perdue dans le vent. Un sourire étira ses lèvres. Elle était tirée trop peu précisément pour que le clan ait réussi à le trouver. Malgré la musique s'échappant de sa bouche, le couvert des arbres le masquait plus efficacement que n'importe quel talisman. Des cris silvèrent et son sourire s'agrandit. Sa course gagna en confiance. Il semblait que les morts avaient répondu à son appel. La voix furieuse de Jiangshang s'élevait par-dessus les autres, lui lançant mille insultes et défis de se montrer devant lui. Par le volume qu'il arrivait à atteindre et la vigueur du claquement de Sitian, Wiwuxian pouvait en déduire qu'il était en bonne santé. Tant mieux. Un vent de nostalgie s'éleva dans son cœur. Esquiver les branches et les rochers sous les cris emplis de rage de son frère lui rappelait les jours lointains, alors qu'une version enfant de Wiwuxian s'enfuyait parmi les piliers de Lotus-Pierre, un jouet malencontreusement brisé, serré dans son poing. Un bruissement d'ailes retentit. Celles de Wiwuxian se plaquèrent un peu plus profondément contre ses omoplates. La direction des prochains cris lui confirmèrent ce qu'il craignait. Jiangshang venait de s'envoler. Pour la énième fois de la journée, Wiwuxian remercia la couverture des arbres qui le cachait du courroux de son frère. Mais si ce dernier avait pris la voie des airs, il ne tarderait pas à le rattraper aussitôt que Wiwuxian aurait dépassé la lisière des arbres. Un éclair pourpre passa au-dessus de sa tête. Jiangshang était tout proche. La vue de la couleur vibrante du clan Yongmeng Jiang lui pinça le cœur. Les plumes des Jiang avaient toujours arboré des tons violets. Wiwuxian, lui, avait grandi avec des ailes noires comme le jet, si différentes des tons royaux que portait sa famille adoptive. Il les avait peints un jour pour rire, pour enfin se sentir à sa place, ne serait-ce que pour quelques heures. À l'époque, il n'avait pas compris le sourire triste de Jiang Fengmiang. Jiangshang lui avait paradé toute la journée auprès des cadets du clan. Ses nouvelles ailes étaient d'un brun foncé moucheté d'or, encore plus éloignées du violet des Jiang que ses plumes sombres de jadis. Mais Wiwuxian doutait que cela ait de l'importance désormais. Plus l'apparence du Yiling patriarche était éloignée des Jiang, mieux le clan s'emporterait. Les arbres s'écartèrent. Une silhouette familière atterrit à quelques mètres devant lui, bloquant le chemin. Wiwuxian jura et fit marche arrière. Ce fut le moment que le maudit canidé choisit pour signaler vigoureusement sa présence. Wiwuxian fit volte-face, parallèlement à la lisière des arbres, peu pressé de rencontrer ni l'un ni l'autre des obstacles qui l'attendaient d'avant en arrière. Wiwuxian! Sidian s'enroula autour de sa cheville, le précipitant au sol. Le temps qu'il se relève, le chien l'avait lui aussi rattrapé. Wiwuxian recula jusqu'à ce que ses plumes raclent douloureusement contre l'écorce d'un arbre, la respiration bruyante. Des images de crocs remplis de bave se refermant sur sa chair dansaient devant ses yeux. Un bras musclé s'interposa devant sa vision. Wiwuxian leva un sourire hésitant vers le visage pincé de Jiangshang, un rire nerveux s'échappant de sa gorge. Seul un froncement de sourcil lui répondit. Son frère connaissait trop bien sa phobie des chiens pour se méprendre sur son identité. Cette fois, le déni seul ne suffirait pas à le sauver. Et de par la tension qui vibrait dans le corps tendu de Jiangshan, du crissement de sa mâchoire à l'arc déployé de ses ailes, Wei Wuxian n'arriverait pas à se faufiler hors d'atteinte de sitôt. Déjà, d'autres membres du clan les rejoignaient, formant une demi-sphère fermée autour de leur proie. Il n'y avait plus d'échappatoire.